Donc là, je fais un morceau avec des accords positifs. Vous allez croire que c'est ironique, alors qu'en fait, c'est bien ce que je revendique. Ça arrive avec des groupes comme Java, par exemple. La différence, c'est que je n'ai jamais été doué avec les femmes. Alors t'étonne pas si je pète des câbles. Je fume des pètes qui me calment. Et je me sens bête quand on raconte les rapaces de la cave. Sale odeur de cendrier mouillé. Tape trop de douille. Déchiré sur un lit douillet. Je me réveille donc dans ce lit. Ma tête est plus grosse que celle de Freud. Et la parisienne à ma gauche me fait la gueule. Faute de quoi, faut dire qu'elle a presque 10 ans plus que moi. Et que d'après elle, je n'ai aucune leçon à lui faire en quoi que ce soit. En plus, hier on a fait l'amour qu'une fois. Alors je me lève comme un politicien avec la gueule de bois. Je pense aux gens qui m'en veulent parce que je bois. Je brûle une sans cesse pour que mes clubs sans conteste savent que je suis là. Et comme un con, j'attends le féca. Un féculent dans mes dents, je sais pas pourquoi, mais faut que je fasse caca. Eh, pas interdit de fumer là. Alors pourquoi pas un pétard, non pétard. Mon shit, ma meuf et mes pompes demandent. Mais tu fous quoi là. Et c'est vrai ça, qu'est-ce que je fous là moi. Sexe, drogue, Europe, psyché. De mauvaise tradition. Anarchie, cesse, tous drogués. Ouais mais bon, des fois c'est bon d'entrer ouais, à la stop, maison. Stop. Donc là, je mets tout en négatif et en dissonant. Vous allez croire que c'est badant, alors qu'en fait, c'est du second degré. Ça arrive avec Frécodinc, par exemple. 16 ans, j'ai déjà été trop proche de la cam. Et je m'attends à voir des potes qui calment. Le café fait de l'énergie en cramant le sucre de canne. Le monde a peur de moi quand j'accoste une femme. Pures alcooliques, telles sont mes acolytes. J'ai rien demandé, me voilà donc avec une clique. Viré de chez mon amante, du déco, les portables, l'amiante. La vie n'est pas si marrante, mais en avançant l'aimant. Et en avant ces blocs nos portes comme des aimants. Je suis faible, taxé par des bandits de petits chemins. Et je rigole quand on me dit que Saint-Denis ça craint. Tout ça je connais, et chez nous on marche à la solidarité. Y'a jamais d'essai, me voilà donc à la rue. Métroport de nulle part, on annule, on cumule les parts. Les partitions on accumule avec humule. Pourtant les gens me trouvent nul quand j'essaie de faire avancer ma mule. Les slow ne consolent personne, rien ne vaut un bon Pink Floyd qui sonne comme un portable.com parachuté. Et pourtant venu en paix, j'ai le regret de vous annoncer d'être obligé d'utiliser mon épée. J'écris sur une feuille une fille déchirée, parce que j'ai eu plus de portable pour les numéros à échanger. C'est trop qu'il y aura psyché. La mauvaise tradition. Oh la chute, c'est tous drogués. Ouais mais pour des fois, ils vont rentrer à la maison. Oh la chute, c'est trop. J'ai revendiqué, et le rap psyché, ça c'est juste pour te faire chier. La la la la la la la la la la la. Toujours train d'avance dans la vie. Et t'as loupé trois quarts dans la connerie. Tu parles de sexe et d'argent. C'est faire ta voix chez ton chéri. Parle pas trop fort, y'a Silver qui risque d'entendre. Après il va refaire un bad et se descendre. Mais ma grande, t'as pas compris. C'est comme s'il était sorti d'emprise. Et traîne avec des hippies. Prends la drogue et baise à tout va. Il ne t'aime pas, il fait n'importe quoi. Écoute ce son, c'est pas du Sarkozy. Écoute ce con, il est ici, il fait la fête et s'amuse. Il s'automise, s'amuse. Il ne tisse plus, il prend la durée et abuse. Silver a changé, tout comme sa vie. Il se tape trop de gadgets, toujours dans la merde, mon inversé. Le cendrier renversé, comme son cerveau sous l'effet du LSD. Et maintenant il se tape des queues. Il est joyeux et n'a plus Dieu. Il n'appartient pas à votre monde. Et fait front offrande. Le fric part et l'acide abonde. C'est pas pour rien que dans sa famille s'agrande. C'est du tonnerre et son inspiration le dit. Mais il aide encore le dépressif en plus. Car il se rappelle ce qu'il était avant. C'est pas un prêtre mais il va de l'avant. À tous les rats en bas des rades. Viens donc on rappe dans mon rad. Magic c'est pour eux c'est pourri alors prends garde. Mais n'oublie pas mes gardes. Et toi petite pétasse, maintenant ils s'en foutent des nichons. Et que ces injures te servent de leçon. Ah. Cesse, drogue, Europe, psyché. La mauvaise tradition. Anarchie, sexe, tous drogués. Ouais mais bon des fois c'est bon rentrer à la maison. Anarchie, sexe, drogue. J'aime revendiquer et rap psyché. Ça c'est juste pour te faire chier. La la la la la la la la. Yeah. Donc fin du petit cours musical. Donc voilà, faut arrêter de se focaliser sur la musique, parce que des fois le texte et la musique ne sont pas liés. Et ça peut toujours être trippant, même si c'est badant. Enfin, faut faire gaffe, parce que des fois on croit que c'est bien, on croit que c'est pas bien, alors qu'en fait bon, tout dépend de comment on le prend en fait. Moi ce que je fais, c'est du second degré.